t'as mis le feu à ma vie, t'as mis mon cœur en sursis, Gwendy, viens faire mon bonheur. T'as mis la joie dans mon cœur. Tu dis des mots très jolis, même si j'ai pas tout compris. Oh oui, mon bon Roméo, mon cœur s'envole tout là-haut. Toi et moi, c'est écrit. Sans mer, toi.